Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La philosophe Hannah Arendt est l'auteure d'ouvrages qui ont marqué la réflexion sur le totalitarisme et sur la modernité. Dans La crise de la culture et La condition de l'homme moderne, qui sont les titres français de deux de ses ouvrages principaux, la philosophe propose des analyses sur la place de l'homme dans le monde qu'il s'est construit et s'interroge sur le devenir de ce monde et la possibilité qu'il en soit autrement. Sa position est claire, elle est contre le totalitarisme, contre le communautarisme, mais elle ne se définit pas comme libérale. J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Tout au long de sa vie, elle n'a cessé d'échanger avec les intellectuels de son temps. Son mari, Heinrich Blücher, son professeur et ami, Karl Jaspers, Martin Heidegger aussi, dont elle devient la maîtresse, mais aussi Gershom Scholem et Mary McCarthy. Alors quelle place tient l'amitié dans cette vie de travail et d'engagement? La voici, entourée de ses amis les plus proches, à New York, chez elle, en 1961, dans le film de Margaret von Trotta, sorti en 2013. Je vous présente le dernier membre de notre tribu, professeur Miller, Hans et Laure Jonas. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Professeur Miller, c'est un honneur. Vous êtes donc les plus vieux et je crois les plus chers amis d'Anna. Les plus vieux, c'est sûr, mais les plus chers, bonsoir. Non. Heinrich est beaucoup plus vieux que moi. Et beaucoup plus beau. Bonsoir. Est-ce que vous êtes connu en Allemagne? Dommage, je dis vieux ravis. Amis en Europe, ça veut dire qu'on se connaît depuis plus de 10 minutes, c'est tout. Dans les années 20, ils étaient tous élèves de Heidegger, le fameux philosophe. Je souhaiterais ne jamais être cité dans la même phrase que ce lamentable nazi. S'il te plaît, qu'on s'arrête. Alors, vous avez tous été des élèves de ce déroutant Martin Heidegger. Voilà, je n'ai même pas mon bac, moi, alors. Mais vous n'êtes pas professeur au Bard College? Quand le penseur est original, il n'a que faire des diplômes, professeur Miller. Absolument. Bonjour Pierre Bourette. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de votre invitation. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez beaucoup travaillé sur Hannah Arendt et notamment préfacé la correspondance entre Hannah Arendt et Mary McCarthy. Pour ce qui concerne cette émission, hein, une correspondance publiée aux éditions Stock est absolument passionnante. On y viendra évidemment aujourd'hui. Mais avant cela, nous avons entendu la voix réelle d'Hannah Arendt, puis la voix d'Hannah Arendt à travers l'actrice qui l'incarne dans le film de Margaret von Trotta. On a choisi de commencer ainsi parce que imaginer Arendt au milieu de ses amis, c'est une bonne façon de la rencontrer en réalité. C'est une excellente façon. C'est d'ailleurs, dans mon souvenir, parce que je ne l'ai pas revu, mais dans mon souvenir, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film de Margaret von Trotta, dans lequel il y a des choses totalement stupides, mais je ne vais pas les développer. Bah vous êtes spécialiste d'Arendt, donc pour vous, j'imagine. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses, mais ce qui est le mieux saisi, c'est justement l'amitié, les réunions de ce qu'Arendt appelait sa tribu. Et là, le passage que vous avez passé introduit un personnage qui est central dans tout ça, ou au moins dans une partie de la dite tribu. L'autre partie, c'est celle qui est plutôt autour de Mary McCarthy. C'est Hans Jonas. Hans et Laure Jonas, qui sont de très vieux amis. Écoutez comment Hans Jonas racontait l'arrivée. Alors Hans Jonas, qui est un philosophe qui est un philosophe allemand, contemporain à une ou deux années près. Auteur du principe de... Du principe responsabilité. De responsabilité. Et auteur avant ça d'un immense livre qui est son encyclopédie des espérances et puis d'un très beau livre de 1918 qui s'appelle L'esprit de l'utopie, qui est un livre magnifique. Mais il raconte l'arrivée de Hannah Arendt dans le séminaire de Martin Heidegger, dont nous venons déjà d'entendre citer le nom, à Marbourg. Timide et réservée, avec des traits d'une étonnante beauté et des yeux esselés, elle manifestait une recherche tâtonnante de l'essence et répandait autour d'elle une aura magique. Une recherche tâtonnante de l'essence. De l'essence. Et elle répandait autour d'elle une aura magique. Inutile de vous dire que Hans Jonas, jusqu'au bout, est resté dans cette espèce de fascination amicale et presque amoureuse avec Hannah Arendt, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je suis content qu'on introduise comme ça, parce que Margaret von Trotta l'a parfaitement capturé quelque chose d'essentiel dans la vie d'Arendt, c'est la vie de la tribu au 130 Morningside Drive à New York dans les années 60. C'est une histoire qui a dû commencer vers le milieu des années 50 à peu près. Il faut dire que de ses amitiés, Hannah Arendt a pris soin. Et la longue, riche et volumineuse correspondance qu'elle entretient avec chacun de ceux dont on parlera aujourd'hui, mais même d'autres, attestent de cette préoccupation qui était la sienne de prendre soin de ces liens amicaux. Absolument. Alors, les correspondances, il faut toujours se rappeler une chose simple, c'est que par définition, on s'écrit quand on est séparé. Et à l'époque, déjà, il y avait le téléphone. Donc, à New York, les gens, même s'ils ne se voyaient pas, devaient se téléphoner. Notamment avec Mary McCarthy, elles évoquent de temps en temps, on s'est dit au téléphone hier, etc. Donc, par définition, évidemment, les correspondances, c'est les gens qui sont séparés. Donc, ça ne capture pas tout de la vie de quelqu'un. Mais en revanche, pour saisir l'amitié, les fidélités, les profondes continuités des amitiés des gens, c'est évidemment fondamental. Et pour ce qui est d'Anna Arendt, qui n'est pas d'ailleurs une immense épistolière. Elle n'a pas écrit un nombre énorme de lettres, si on pense à des correspondances comme celle de Flaubert ou de George Sand. Enfin, quand même, écoutez, même je les ai sous les yeux. La correspondance avec Karl Jaspers était quand même gigantesque. Oui, après 1000 pages. Celle avec Mary McCarthy également, celle avec Shalem également. Oui. Et après, il y a une petite correspondance avec Blumenberg. Il y a sa plus belle correspondance. Si vous me demandiez quelle correspondance d'Anna Arendt vous emmenait dans l'île déserte, je vous dis celle avec Heinrich Blücher, celle avec son mari. Et pourquoi ça? Parce que c'est une des grandes correspondances amoureuses de la littérature. Ça pourrait se mettre en regard d'Héloïse et Abélard. Je sais pas, on peut penser à quelques grandes correspondances. C'est une correspondance absolument magnifique. Et on pourra peut-être reparler de ce couple. Allez-y. Un écrivain américain de leurs amis, qui s'appelait Randall Jarrell, avait baptisé la monarchie bicéphale. Il avait baptisé la monarchie bicéphale dans un livre qui, je crois, date de 54 ou 55, qui s'appelait Picture of an Institution, une peinture d'une institution, livre dédié à Anna et Mary, avec une note de l'éditeur disant qu'aucun lien avec des personnages réels ou ayant déjà existé, mais où tout le monde reconnaissait que la monarchie bicéphale, c'était le professeur, je ne sais plus son nom, et son épouse. Voilà. La plus belle des correspondances, malgré tout, c'est celle avec Blücher, parce que c'est 5 ou 6 longs voyages d'Anna, les 2 premiers voyages de son retour en Europe après-guerre, un long voyage en Californie, 1 ou 2 autres. C'est d'une richesse absolument exceptionnelle. Et c'est d'une très grande beauté, parce que c'est justement ce couple extraordinairement fort, d'égalité intellectuelle, en même temps de... Oui, à la fois de tendresse, mais d'une très très grande profondeur intellectuelle, très drôle tous les deux, c'est une correspondance absolument magnifique. Mais celles qui vont nous intéresser plus aujourd'hui, puisque on parle des amitiés d'Arendt, ce sont effectivement Jaspers, Mary McCarthy, Scholem. Il y a une très belle correspondance avec quelqu'un aussi qui a été très important pour elle, qui est Kurt Blumenfeld. Qui était un militant sioniste, c'est lui qui était un peu de la génération de Jaspers, donc une quinzaine d'années probablement plus vieux qu'Arendt, et c'est lui qui l'a initié au sionisme dans ses années d'adolescence et de jeunesse, qu'elle a retrouvé ensuite par voie de lettres, parce que lui était installé à Jérusalem, mais ils ont continué de beaucoup s'écrire, et ils se sont très bien entendus jusqu'à l'affaire Eichmann. Je crois que Karl Blumenfeld est mort très peu de temps après la publication du livre d'Anna. Donc on ne sait pas très bien jusqu'à quel point il était peut-être au bord de rompre. Mais bon, tant mieux qu'on ne sache pas. Parce que c'est un personnage très, très important dans la vie d'Anna. C'est lui son mentor en sionisme, en réalité, et pas Scholem. Bon, on y reviendra quand on parlera de sa correspondance avec Georg Scholem, où là, pour le coup, il n'y a aucune. Je dis qu'elle prend soin des amitiés, mais c'est sans concession. Ah bah c'est la grande, c'est la grande amitié rompue. Avant Eichmann à Jérusalem, en fait. Donc voilà, on y reviendra. Et avant de commencer avec la première lettre, encore une correspondance dont nous ne pourrons pas vraiment parler, et pour cause, c'est qu'elle n'existe plus. C'est la correspondance entre Anna Arendt et Walter Benjamin. C'est malheureusement la correspondance entre Anna et Walter Benjamin qui n'existe plus. Je crois qu'elle n'existe plus et qu'il n'y a aucune chance de pouvoir la retrouver. Cela étant, les derniers mois, de la vie de Benjamin... Ils étaient à Paris ensemble, puis ils se sont recroisés dans 1 ou 2 camps. Ils se sont retrouvés, je ne sais plus, à Marseille, in fine. Ce qu'il faut lire, de ce point de vue, donnez-moi l'occasion de le dire, c'est une lettre d'Anna Arendt à Scholem du 17 octobre 1941. Donc un an après sa mort, Benjamin se donne la mort à Port-Bou en septembre 40. En septembre 40, c'est une lettre de 5 pages, c'est une lettre absolument magnifique, c'est une lettre qu'on connaît depuis très peu de temps, parce qu'elle était dans le Fonds Scholem à Jérusalem. Je crois que personne n'était allé la consulter. L'édition allemande de la correspondance Scholem-Arendt date de 2010. Ça a été traduit en français assez rapidement. Mais c'est une lettre qu'on connaît depuis moins de 10 ans. Et c'est une lettre qui imposerait de réécrire 5 pages de la biographie d'Arendt et 10 pages de la biographie de Benjamin. Parce que Arendt raconte presque au jour le jour les derniers mois de la vie de Walter Benjamin, qu'elle appelle Benji, quand elle parle de lui avec Scholem. Voilà, lorsque la guerre a éclaté, nous nous sommes retrouvés tous ensemble dans un petit nid français à proximité de Paris pour le repos estival. Benji était dans une forme remarquable, etc. Le déclenchement de la guerre l'a aussitôt effrayé au-delà de toute mesure. Elle raconte qu'il est parti à Meaux et puis que dès les premiers jours à Meaux, les alertes aériennes se succèdent sans interruption. Il devient passablement terrifié et puis elle continue de raconter des toutes petites phases de quelques semaines où Walter Benjamin retrouve un peu le moral parce qu'il y a l'espérance d'un visa pour l'Espagne ou pour le Portugal. Et elle raconte une première fois, il m'a parlé pour la première fois de suicide devant moi à plusieurs reprises. Il disait qu'au fond, il ne restait plus que cette issue, etc. Et puis elle évoque plusieurs fois des évocations du suicide par Benjamin. Bref, on va pas la lire complètement, elle est très longue. C'est une lettre d'une richesse et d'une beauté exceptionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que au fond, c'est resté toujours le seul lien entre Arendt et Scholem, c'est la fidélité partagée à la mémoire de Walter Benjamin. La bagarre pour sauver en particulier les thèses sur l'histoire, qui n'existaient qu'en un manuscrit, que Benjamin a écrit dans les tout dernières semaines de sa vie, qu'ils ont exhumé, qu'Arendt a fait publier, elle a fait publier un premier livre de Benjamin en Allemagne, ils ont gardé toute leur vie, peut-être plus après la controverse autour d'Eichmann, mais en tout cas, même pendant une période où ils étaient déjà en désaccord sur beaucoup de choses, restait cette fidélité de la mémoire à la mémoire de Benjamin et la volonté commune de tout faire pour préserver, publier, diffuser l'œuvre de Benjamin, avec comme corollaire commun une commune détestation pour Adorno et encore plus Horkheimer. Ouvrons cette correspondance, Pierre Bourette, c'est écoutons la première lettre de cette émission, en tout cas, celle qu'Hannah Arendt écrit à Karl Jaspers le 18 novembre 1945. Nous sommes à la fin de la guerre, ils ne se sont pas vus depuis bien longtemps, ils ne se sont pas écrits depuis longtemps. Écoutons la lettre et vous nous présenterez ensuite Karl Jaspers, c'est mieux de fonctionner ainsi comme ça. Chers auditeurs, vous écouterez la plume d'Arendt. Cher, très cher Karl Jaspers, depuis que je sais que vous êtes passé sain et sauf à travers tout ce vacarme d'enfer, je me sens de nouveau un peu plus chez moi dans ce monde. Inutile de vous dire que durant toutes ces années, j'ai pensé à vous avec inquiétude, alors que je vivais dans l'aimable illusion que vous vous trouviez à Zurich. Mais ce que je voudrais tout de même vous dire, puisque depuis plus de 12 ans je n'ai pu vous écrire, c'est ceci. J'ai sans doute pensé ou fait, durant ces années, maintes choses qui vous déconcertera. Mais il y a dans tout cela à peine quelque chose dont je n'ai tenté d'imaginer comment je vous le raconterais ou l'assumerais devant vous. Je suis naturellement très contente que vous approuviez certains de mes articles, bien que je ne sache pas lesquels vous avez lus. Je n'ai rien envoyé moi-même, mais je vais le faire dès que nous aurons de nouveau un service postal régulier. C'est alors que je devrais en appeler à votre indulgence, car n'oubliez pas, je vous prie, que j'écris dans une langue étrangère. C'est là le problème de l'émigration, et que depuis 12 ans, je ne connais que par oui-dire le mot de tranquillité appliqué à l'activité intellectuelle. Je me dois encore d'ajouter, il m'est en effet difficile d'imaginer que je ne vous ai pas vu pendant tant d'années, que je suis remariée depuis 9 ans avec un Allemand. Voilà sans doute pour me punir de mes bêtises, aussitôt après 1933, où par suite des mises au pas de presque tous mes amis non-juifs, j'avais éprouvé une méfiance automatique envers les non-juifs. Un peu à la manière de Jonas. De tout cœur vôtre, Hannah Arendt. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et la lettre qu'Hannah Arendt a écrite à Karl Jaspers le 18 novembre 1945. C'est Hélène Losser qui prêtait sa voix à Hannah Arendt. Pour ce texte, nous sommes en compagnie du philosophe Pierre Bouretz qui vient nous parler de cette amitié à travers les correspondances d'Arendt avec Jaspers et puis d'autres dont on parlera après. On entend dans cette lettre beaucoup de choses, beaucoup d'affection, de respect, presque tremblant. Hein. On sent oui. vraiment qu'ils sont peut-être complices, mais il y a vraiment une cordialité respectueuse, une distance presque dans la complicité. Les thèmes qui reviennent dans leur discussion, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est être allemand? Elle a épousé un Allemand, elle se moque d'elle-même. Oui, elle se moque d'elle-même. Oui. Et c'est l'importance de ce qu'elle appelle la tranquillité intellectuelle dont elle a fait le deuil et qui la pousse à continuer à écrire encore et encore. Absolument. La première phrase est magnifique et elle résume presque toute la suite de la vie d'Arène. Je me sens de nouveau un peu plus chez moi dans ce monde. Depuis que je vous sais, oui, passé sain et sauf. Bien sûr. Mais je me sens un peu plus chez moi dans le monde. Être chez soi dans le monde, ça va devenir avec le temps le grand thème non seulement de la vie d'Arendt, mais de la pensée d'Arendt. Alors, qui est Karl Jaspers? La condition de l'homme moderne, c'est un livre sur comment être chez soi dans le monde. Karl Jaspers, donc, génération, il a 25 ans, je pense que de plus qu'Anna. Donc, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que c'est une figure paternelle dans la vie d'Anna Arendt, parce que Anna Arendt n'a pas eu de père. Son père est mort, elle avait moins de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Alors évidemment, on a envie de se corriger immédiatement en se disant c'est un peu facile, mais je crois qu'il y a quand même un peu de ça. En tout cas, c'est ce que vous évoquiez en parlant de tendresse. Elle n'avait pas été son élève directement, mais elle l'avait connue pendant ses années d'études. Dans la lettre dans laquelle Jaspers répond à celle que vous venez de lire, il dit « Vous seriez bien étonné si vous veniez dans notre appartement, les mêmes pièces, comme s'il ne s'était rien passé. Vous pourriez de nouveau vous asseoir à la chaise près de mon bureau, comme jadis lorsque vous prépariez votre thèse. » C'est très beau. Mmh. C'est toujours cette idée que, voilà, elle l'a quitté, elle venait le voir. Elle le rencontre à Heidelberg, avec Heidegger. À Heidelberg. Elle le rencontre à l'époque où elle fréquente Heidegger, où elle écrit sa thèse. Elle le rencontre comme une jeune étudiante brillante qui vient rencontrer un professeur qui n'est pas son professeur dans son bureau. Et puis voilà, passent les années de guerre. Ils ne se sont pas vus, ils n'ont pas eu de nouvelles. Il y a déjà eu une lettre antérieure de Jaspers qui lui donne des nouvelles et qui dit qu'il sait déjà qu'elle est en vie. Donc, ils se sont déjà un tout petit peu écrits, mais c'est cette lettre-là, vous avez raison, qui marque le début d'une correspondance qui, effectivement, est énorme, qui est, au fond, la plus épaisse, la plus riche, en tout cas, en matière. C'est peut-être pas celle dans laquelle on voit le plus de choses intimes de la part d'Anna Arendt, mais en tout cas, il y a entre eux une amitié avec une dimension de tendresse réciproque que je crois on peut dire quand même paternelle et filiale, mais en même temps un très fort sentiment d'égalité intellectuelle. Au fond, Jaspers ne la considère plus comme une étudiante, il la considère comme une égale, bien qu'elle vienne d'écrire dans la lettre qu'on vient de lire « Depuis que je suis en Amérique, donc depuis 1944, je suis devenu une sorte d'écrivain indépendant, quelque chose entre un historien et un journaliste politique ». Voilà comment elle résume sa vie en 45, c'est-à-dire elle n'a pas encore commencé à écrire les origines du totalitarisme, elle s'y mettra un petit peu après. Voilà, donc elle dit cette formule un peu énigmatique. Elle parle à un professeur allemand, donc il va y avoir quelque chose qui est je ne suis pas devenu professeur, un écrivain indépendant, quelque chose entre un historien et un journaliste politique. Elle va devenir la très grande historienne des origines du totalitarisme, mais elle gardera quelque chose de l'écrivain politique. C'est aussi un des versants de sa vie qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'évoquer, mais elle est restée aussi un écrivain politique, elle est restée engagée dans la vie politique américaine notamment. Alors comment comprendre cette réticence et cette ironie qu'elle met lorsqu'elle parle de son mari allemand? Si on remonte dans la correspondance entre Jaspers et Arendt, elle lui écrit en 1933, juste après qu'Jaspers lui envoyait le livre qu'il a écrit lui-même sur Max Weber, elle dit « Pour moi, l'Allemagne, c'est la langue maternelle, la philosophie et la création littéraire. Tout cela, je peux le cautionner et je le dois. Mais je me dois de garder ma distance. Je ne peux être ni pour ni contre quand je lis la magnifique phrase de Weber disant que pour le redressement de l'Allemagne, il s'associerait au diable lui-même. Et cette phrase me paraît précisément révéler un élément décisif. » Et quand Jaspers lui répond, il lui dit « Mais je suis surpris qu'en tant que juive, vous vouliez vous distinguer de ce qui est allemand. » Et c'est passionnant de lire ça en 1933. Janvier, le moment où Hitler... C'est absolument passionnant. On pourrait dérouler là des fils à l'infini, parce que l'allusion à Max Weber, l'allusion à Max Weber au moment de la Première Guerre mondiale, l'allusion de Jaspers à un débat qui a été un débat judéo-allemand dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire c'était le problème des gens comme Hermann Cohen et quelques autres. Qu'est-ce que c'est que le Deutsches Judentum? Qu'est-ce que c'est que d'être juif allemand? Est-ce que c'est être d'abord juif, d'abord allemand? Jaspers considère à l'évidence qu'on est d'abord allemand et juif secondairement. Il y a probablement eu des discussions, et c'est là que c'est ce à quoi doit faire allusion le clin d'œil sur « J'ai épousé un Allemand », où elle expliquait, elle, qu'on devait peut-être être plutôt juif avant d'être allemand. Mais en même temps, tout ça va se compliquer beaucoup dans la tête et dans la vie d'Hannah Arendt. On retrouvera un peu le problème qui est un des rares moments dans la correspondance où il y a un vrai désaccord de fond argumenté chez Jaspers, argumenté, contre-argumenté chez Arendt, qui est sur le procès Eichmann, mais sur le procès avant le procès, c'est-à-dire un problème de compétence juridique. Jaspers écrit une longue lettre, puis une deuxième lettre, pour expliquer qu'il considère que Israël n'a pas la compétence juridique pour juger Eichmann, que Eichmann devrait être jugé par un tribunal international. Il argumente et Arendt tient fortement une lettre, deux lettres pour expliquer si le peuple juif a le droit de juger Eichmann et Israël est notre seul témoin, seul Israël peut juger Eichmann. Et là, c'est le seul point, c'est le seul moment où en gros on a vraiment un désaccord qui est à la fois politique et intellectuel, entre les deux, où ils se tiennent tête, aucun des deux ne changera de position. Ensuite, Jaspers, dans la controverse à Eichmann elle-même, sur le livre, Jaspers, je trouve, un peu jeté de l'huile sur le feu. Je trouve pas qu'il était très bon entre nous. Il a plutôt poussé Arendt au combat plutôt que d'essayer de la rassurer. Bon, alors racontons, puisque là on commence à en parler beaucoup, puis on va entendre l'échange. Qu'est-ce qui s'est passé au procès Eichmann? Racontez peut-être la polémique autour de cet événement. Alors, est-ce qu'on se lance vraiment là-dedans? Oui, on a besoin des éléments, puis on en parle depuis un moment. Alors, on se lance là-dedans. Là où ça va évidemment exploser sur le plan des correspondances, ça va être la correspondance avec Scholem. C'est la grande rupture avec Scholem. Bon, il se passe que Hannah Arendt propose au New Yorker de faire le reporter. Mais en amont, qui est Eichmann? Qui est Eichmann? C'est l'acteur de la solution finale en Hongrie. Il est réfugié en Argentine. Le Mossad, les services secrets israéliens l'enlèvent. L'exfiltre et l'amène en Israël. Il est interrogé et jugé. Voilà, c'est là que intervient la correspondance avec Jaspers à laquelle je faisais allusion. Arendt part à Jérusalem, mandaté, s'est fait mandater par le New Yorker, qui est la revue... Donc on est au début des années 60, on est en 61. 61. Elle passe peu de temps à Jérusalem, revient, écrit en 4, 5, je sais plus, livraison du New Yorker, son reportage sur le procès, et puis elle met 2 ans à en faire un livre. Et ce livre porte un titre malheureux, mal compris. Malheureux. Ouais. Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Essai sur la banalité du mal. Bon, c'est là que commence la controverse. Mais en même temps, la controverse, elle n'est pas seulement sur le concept. C'est ça qu'il faut. On peut avoir tendance en philosophe à considérer que c'est une controverse uniquement sur le concept de banalité du mal. C'est aussi une controverse sur les faits. Parce que banalité du mal, c'est vrai, quand on le lit, quand on l'entend, on se dit mais comment qualifier de banal le mal le plus ignoble qui a pu être commis sur cette terre, ou en tout cas au XXe siècle, à savoir l'extermination de 6 millions de juifs. Rien n'est banal. Est-ce que veut dire Arendt, est-ce qu'on voit quand on lit le reportage qu'elle fait à l'occasion de ce procès, c'est que c'est Eichmann lui-même qu'elle qualifie de médiocre. Au fond, c'est un type comme tout le monde et c'est pas un monstre. On voudrait voir Satan, on voudrait voir quelqu'un d'absolument immonde et dégoûtant. Et c'est un type un peu comme tout le monde qui surjoue sans doute ce caractère un peu banal et anodin pour dire « mais moi, je n'ai fait qu'exécuter des ordres ». C'est ça son argument. C'est ça son argument. Alors, vous savez, j'ai beaucoup tourné cette histoire dans ma tête. J'ai relu, surlu Eichmann à Jérusalem, tout ce qu'il y a autour, y compris les choses qu'Arendt n'a pas lues elle-même, c'est-à-dire des comptes rendus du procès pour la partie à laquelle elle n'a pas assisté, et puis évidemment toutes les correspondances, tout ce qu'on a comme témoignage sur la violence de la polémique aux États-Unis, c'est-à-dire en fait à New York. Bon, une fois encore, en tant que philosophe, on a tendance à se focaliser sur la question de la banalité du mal. Je crois que vous avez raison. J'irai même un petit peu plus loin. Je pense, au fond, que elle ne pensait pas elle-même que c'était un concept. Oui. Et il y a une formule de Kant qu'elle cite quelque part, je crois. Posséder un concept. Je suis à peu près persuadé qu'en réalité, elle ne pensait pas posséder un concept. Simplement, quand la polémique a enflé, un des enjeux de la polémique, c'était ça. Et là, bon, elle a verrouillé sa position. Elle a donné l'impression que oui, c'était bien un concept. Et un concept qui était donc, pour des philosophes, un concept neuf, nouveau et différent du concept kantien de mal radical. Surtout qu'elle travaille en tant que journaliste et pas que philosophe. Au bout du compte, je pense qu'elle devait plus ou moins continuer de penser. Il y a une lettre à Mary McCarthy dans laquelle elle dit, au fond, il y a peut-être une contradiction entre ce que je dis dans Eichmann à Jérusalem et les origines du totalitarisme où je parlais de mal radical. Alors avant d'entendre l'échange très virulent qu'il y a entre Scholem et Arendt à ce sujet, je vous propose d'écouter une archive du procès à Eichmann, une archive vraiment d'origine. Donc le procès se déroule à Jérusalem entre avril et août 61. Eichmann sera condamné à mort et pendu peu après. Arendt se rend sur place pour le New Yorker. Elle essaye de couvrir chaque journée. Finalement, il y a 5 livraisons de textes au cours de ce procès. Et écoutez ici les personnes qui interrogent Eichmann et la défense d'Eichmann lui-même qui sont traduits pour les besoins de l'émission. Écoutez. Je lis que 15 personnes sont mortes pendant le transport. Je peux juste dire que ces chiffres n'ont pu être enregistrés par le département GB4. Ils proviennent des autorités locales. C'est ce qui résulte des directives. Il est stipulé ici que l'ordre a été donné par le Reichsführer. Dites-moi, pourquoi deviez-vous transférer cet ordre ? Pourquoi Eichmann ? Le Reichsführer n'avait pas d'autre moyen de contacter l'officier qu'Eichmann ? Le rapport en question montre bien que la police locale ou les quartiers ont adressé leur demande à l'administration 4. Et c'est ainsi qu'on m'a chargé de cette affaire, que j'ai traité comme une tâche intermédiaire. Comme on m'en avait donné l'ordre. Je devais obéir aux ordres. Mais dans la directive, vous fixiez le nombre de personnes à parquer dans les wagons. C'est exact ? On m'en avait donné l'ordre. Qu'elle soit tuée ou non, cet ordre devait être exécuté. Il a été exécuté de manière administrative. Je me suis chargé que d'une petite partie. Les autres parties nécessaires, telles les déroulements du transport, ont été exécutées par d'autres postes. Monsieur le Président, je me sens comme un rumsteak qu'on veut faire cuire à point pour un fait truffé d'imprécision, comme on peut clairement le prouver ici. Et oui, l'image du rumsteak est particulièrement parlante, Pierre Bourette, oui. Hein, ici dans la voix de Thomas Beau qui prête sa voix à Eichmann. Donc, je le remercie, c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant. On entend bien, à Eichmann, c'est glaçant d'entendre ces voix-là. Sa ligne de défense, c'est de dire j'exécutais un ordre. Et on a su ensuite qu'en fait, c'était pas si vrai que ça, que peut-être Arendt avait été dupée par la ligne de défense d'Eichmann. Alors, il y a un point quand même qu'il faut rappeler. Elle a suivi le procès très exactement du 10 avril 61 au 7 mai et le procès continuerait jusqu'au 14 août. Donc, elle n'a assisté qu'au tout début du procès. Par exemple, l'extrait qu'on vient d'entendre, la phrase qu'il faut entendre, c'est « l'ordre a été exécuté de manière administrative ». Administrative, voilà. Comme c'est si ça, la faute était là. L'ordre a été appliqué de manière administrative. On a construit beaucoup de choses autour de cette idée. Le premier, avant Arendt, qui a Il n'a pas utilisé l'idée de banalité du mal, mais ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que justement, le mal banal, c'est censé être celui qui est exécuté justement de manière administrative. C'est Raoul Hilberg, et d'ailleurs, qui a reproché à Arendt de lui avoir piqué des choses. Enfin, laissons ça de côté. Le point important là, c'est que, effectivement, ce que Arendt a vu, a raison. C'est que Eichmann se défendait en disant « j'ai appliqué les ordres et ils ont été exécutés de manière administrative », alors est-ce qu'elle n'a pas un peu extrapolé à partir de ça pour penser que tout ce qu'on appelait alors la solution finale ou l'Holocauste aux États-Unis relevait de ça. Et le concept de banalité du mal, c'est ça qu'il est censé exprimer, qu'il est censé capturer. Bon, la question reste ouverte. Beaucoup d'historiens, effectivement, contestent complètement ce point de vue. Mais on ne va pas reconstruire la controverse des historiens sur le processus de l'extermination. Alors, simplement, avant d'entrer directement, quand même, d'en venir au vrai désaccord très profond et très brutal entre Arendt et Scholem sur cette question, il faut savoir quand même que la controverse, une fois encore énorme, qui a été très brutale, très violente, dans laquelle beaucoup de gens ont été impliqués aux États-Unis, elle ne porte pas sur le concept de banalité du mal. Hein. Mm-hmm. La phrase sur laquelle vraiment beaucoup de gens ont été choqués et ont réagi avec brutalité, je la lis quand même. Toute la vérité, c'est qu'il existait des organisations de la communauté juive, des organisations de secours et d'entraide à l'échelle tant nationale qu'internationale. Partout où les juifs vivaient, il y avait des dirigeants juifs, reconnus comme tels, et cette direction, presque sans exception, a coopéré d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, avec les nazis. Et c'est la phrase qui vient, qui est la pire. Toute la vérité, c'est que si le peuple juif avait vraiment été non organisé et dépourvu de direction, le chaos aurait régné, il y aurait eu beaucoup de misère, mais un nombre total de victimes qui n'aurait pas atteint 4,5 à 6 millions. C'est ça la phrase qui a provoqué vraiment le... Parce qu'elle laisse entendre que les juifs seraient responsables. Parce qu'elle dit une chose qui, entre nous, mais on n'est pas entre nous, non, mais je le dis quand même. C'est une absurdité, cette proposition. C'est une absurdité, même des historiens qui aiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire contrefactuelle, qui consiste à dire qu'est-ce qui se serait passé si telle pièce de l'histoire n'avait pas existé. Aucun historien professionnel sérieux ne dirait « toute la vérité, c'est que si le peuple juif n'avait pas été représenté par les Judenrat, les conseils juifs, il y aurait eu le chaos, mais pas 6 millions de morts ». Bon, c'est une proposition qui est absurde d'un point de vue scientifique. Comment vous l'expliquez ? Elle n'est pas falsifiable. Donc, c'est une proposition qui ne peut être considérée ni comme vraie, ni comme fausse. Elle est absurde. Bon, comment je la considère ? Je ne sais pas. Là-dedans, on entre dans les controverses. Beaucoup de gens, dans la polémique américaine, ont dit, mais voilà, elle dit ce que vous disiez à l'instant, elle dit que c'est de la faute des juifs eux-mêmes. Bon, d'autres ont entendu, elle traite, oui, je l'ai dit, mais je le maintiens, Léo Beck, qui était un des dirigeants juifs, justement, en Pologne, elle le traite de fureur juif, ce qui est quand même quelque chose, c'est une des choses que Scholem relève et dit, mais c'est impossible de dire une chose pareille. Donc, ce qui a vraiment cristallisé... Précisons, au cas où ça ne serait pas clair, qu'Anna Arendt était elle-même juive. Oui, bien sûr. Écoutons la correspondance, oui, parce qu'il faut qu'on avance. Pierre Bourette, on a encore la correspondance avec Marie McCarthy ensuite à aborder. Donc, voici la lettre que Gerhard Scholem adresse à Anna Arendt, et puis vous verrez, elle lui répond au cours de ce que vous allez entendre. Chère Anna, voilà environ 6 semaines que j'ai reçu votre livre sur le procès Eichmann. Il évolue autour de deux pôles. D'un côté, les Juifs et leur attitude dans la catastrophe. De l'autre, Eichmann et sa responsabilité. Cher Gerhard, il y a dans votre lettre quelques affirmations qui n'appellent pas de contestation parce qu'elles sont tout simplement fausses. Sur l'affaire des Juifs, cela fait bien des années que je réfléchis et j'ai étudié une masse non négligeable d'ouvrages. La question que pose la jeunesse en Israël, pourquoi au juste se sont-ils laissés tuer, est profondément justifiée. Et la réponse ne se laisse pas résumer en une formule. Dans votre livre, sur tous les points décisifs, il n'est question que de la faiblesse de l'existence juive, justement là où il s'agit d'accentuer. Et autant cette faiblesse a effectivement existé, autant votre accentuation, pour ce que j'en vois, est totalement unilatérale et paraît ainsi très méchante. Mais le problème que vous soulevez est un vrai problème. Pourquoi donc, dès lors que nous le savons, votre livre suscite-t-il ce sentiment d'amertume et de honte, non pas sur ce qui est rapporté, mais sur la rapporteuse? La réponse doit forcément contenir ce qui nous sépare en la matière. C'est le ton insensible, et même presque narquois, sur lequel cette question qui nous concerne au cœur véritable de notre vie est traitée dans votre texte. Je n'ai jamais posé la question de savoir pourquoi les Juifs se sont laissés tuer. Il n'est aucun peuple ni aucun groupe en Europe qui se soit comporté sous la pression immédiate de la terreur d'une autre manière que les Juifs. Votre thèse, selon laquelle les manœuvres des nazis auraient réduit et effacé la distinction claire entre persécuteurs et victimes, me paraît totalement fausse et tendancieuse. Dans les camps, on privait les gens de leur dignité et, comme vous le dites vous-même, on les poussait à collaborer à leur propre disparition, à assister à l'exécution de leurs co-détenus, etc. Et c'est pour cette raison que la frontière entre victimes et persécuteurs aurait été effacée? Et nous, nous devrions venir dire que les Juifs eux-mêmes ont leur part dans l'assassinat des Juifs? Quelle perversité! Mon jugement dans cette affaire, je l'ai exprimé clairement. Mais vous ne l'avez manifestement pas compris. Il n'existait pas de possibilité de résister, mais il y avait une possibilité de ne rien faire. De la même manière que les meurtriers de la SS disposaient d'un espace de liberté limité, ils pouvaient dire « cela, je n'y participe pas ». Et il ne leur arrivait rien du tout. Comme nous avons affaire en politique à des êtres humains et non à des saints, cette possibilité de non-participation est manifestement décisive pour juger des individus, pas du système. Il y a dans la langue juive quelque chose qu'on ne peut absolument pas définir, mais qui est parfaitement concret. Ce que les Juifs appellent « Ahabat Israël », l'amour pour les Juifs. Et de cela, on ne perçoit rien chez vous, chère Anna. Vous avez parfaitement raison de dire que je n'ai pas d'amour de ce genre. Et ce pour deux raisons. Premièrement, je n'ai de toute ma vie jamais aimé quelque peuple ou collectif que ce soit. Ni l'allemand, ni le français, ni l'américain, ni par exemple la classe ouvrière ou quoi que ce soit relevant de cette gamme de prix. Je n'aime en fait que mes amis. Et suis totalement inapte à tout autre amour. Mais deuxièmement, cet amour pour les Juifs me serait suspect étant juive moi-même. Je ne m'aime pas moi-même, pas plus que je n'aime ce qui compose ma substance, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, au moment où elle rédige cette lettre, elle ne sait pas qu'elle sera ensuite publiée et commentée, notamment aujourd'hui. Elle le sait? Si, elle le sait. Ah, c'est elle vrai le sait parce Alors, qu'à quel la fin courage la, à la fin de la première Parce que son lettre, honnêteté, Cholem, qui est troublante, dit, quand même. Est-ce qu'on pourrait, à part les aspects personnels, est-ce qu'on pourrait publier cet échange? Donc, elle sait donc, qu'elle s'adresse réponse, à tous ses lecteurs. Elle sait que ce sera publié, oui. Et pourtant, et, c'est ça qui est fou, c'est oui. qu'elle maintient cette, ce qui peut paraître quelque chose de très choquant, oui. qui est résolument... Enfin, c'est une honnêteté assez oui. impressionnante. Alors, gardons, et dérangeante. Gardons pour la suite, quand on va arriver... du côté de Mary McCarthy et de sa vie, c'est-à-dire en revenir au point de départ, de son groupe d'amitié à New York, gardons « Je n'aime que mes amis ». Bon, c'est ce qu'elle dit là, et « Je n'ai aimé aucun peuple, aucune entité, etc. » Bon. Alors, vous voyez que la première lettre de Cholem, ce qui a choqué Cholem, c'est le passage que j'ai lu tout à l'heure. C'est bien cette idée que au fond, la responsabilité de l'extermination, c'est à peu près autant, sinon plus, les Juifs eux-mêmes que non, les bourreaux. Non, c'est parce qu'elle dit non, non plus. Elle non, dit que ceux auxquels on a demandé de collaborer, ils auraient pu ne rien faire. Oui, ils pouvaient dire « cela, je n'y participe pas ». Et il ne leur arrivait rien du tout. Comment peut-elle affirmer ça? Ben oui, c'est ça. Elle ne peut pas affirmer ça. Elle ne peut pas affirmer ça. Et c'est en plus une contradiction vis-à-vis de toute l'explication des origines du totalitarisme. Et en particulier, toute l'explication de ce qu'il y a de qui reste de plus fort intellectuellement dans les origines du totalitarisme, qui est le dernier chapitre, qu'elle a mis d'ailleurs beaucoup de temps à écrire, qui n'était pas dans la première édition, idéologie et terreur. C'est que justement, le propre du système totalitaire, c'est que non, ni les victimes ni les bourreaux n'ont le choix, que c'est une machine dans laquelle, non, c'est pas vrai que les exécuteurs avaient la liberté de ne pas agir et qu'ils n'étaient pas punis. Non, c'est pas vrai. Et ça, elle l'avait démontré mieux que personne. Donc voilà, elle est dans une contradiction qu'elle finit à avouer par demi-mot à Mary McCarthy dans une lettre où elle dit peut-être au fond je me suis un peu contredite avec les origines du totalitarisme dans les gens qui dans la controverse qui a dans laquelle ont été engagés certains de ses amis du milieu qu'elle fréquentait avec Mary McCarthy à New York, les plus gentils de ses amis qui l'ont attaqué lui ont reproché ça, et pas plus que ça. Bon. Alors, dans la lettre de Scholem, dans l'échange de Scholem, il y a aussi cet aspect, vous ne manifestez pas l'amour du peuple juif, c'est là qu'elle répond en disant je n'aime que mes amis. N'aime pas les juifs, pas plus que les allemands ou les voilà. Français, je ne m'aime pas moi-même. Alors ça, d'ailleurs je ne m'aime pas moi-même, dans la controverse, il y a aussi des gens qui vont lui reprocher une forme de ce qu'on appelle la haine de soi. Bon, je crois que ça c'est quand même vraiment très, très, très brutal et très excessif, mais heureusement que les gens en question n'avaient peut-être pas lu ce passage-là de la lettre. Le point, c'est que la controverse, elle porte sur les faits historiques, au fond, et l'interprétation des faits historiques, l'interprétation que donne Arendt du rôle des conseils juifs, l'interprétation que donne Arendt de la chaîne de décision dans ce fragment, cette pièce du puzzle de l'extermination des juifs d'Europe qui est la Hongrie, là où Eichmann a été pendant une période assez courte, en plus, l'exécuteur des bases œuvres. Et Scholem lui dit non, vous avez tort, il n'est pas vrai que chacun avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Mais c'est ça qui est en début d'émission, elle disait « je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle une libérale ». Elle insistait là-dessus. Or, on l'entend bien à la lecture et à l'écoute des différentes lettres qu'on fait entendre aujourd'hui. Elle n'aime pas les communautés, elle n'aime pas la hiérarchie, et au fond, elle en appelle quand même la liberté de chacun de pouvoir ne pas agir quand on demande d'agir contre son gré. C'est, comment vous expliquez le fait qu'elle ne se considère pas comme une libérale ? Pas au sens économique, évidemment, mais moral du terme. Non, au sens politique. Attention, au sens politique américain, en plus du terme. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas le libéralisme économique. Le sens politique américain du terme libéral, ça veut dire de gauche, ça veut dire justement ce milieu dont on va peut-être parler quand on va parler de Mary McCarthy. C'est en tant qu'elle ne se sentait pas libérale, par exemple, qu'elle n'a pas soutenu le mouvement antiségrégationniste, qu'elle a écrit un article qui a été sa première grande controverse publique aux États-Unis sur les événements de Little Rock, où la gauche américaine défendait les minorités noires et la politique de déségrégation, et Arendt par un peu un réflexe un peu de, alors certains ont dit de snobisme, d'autres un peu de goût de la provocation, c'était avant l'affaire Eichmann, avait dit non, je ne soutiens pas ça. Au fond, elle avait inventé le fait de ne pas vouloir être politiquement correcte. On disait pas ça encore à l'époque, mais je pense que quand elle dit ça, quand elle dit je ne suis pas libérale, ça veut dire au fond je ne veux pas être correcte. Voilà, pas les étiquettes, voilà, de toute façon. Je ne veux pas être comme mon milieu ou comme le milieu dans lequel je vis, je ne veux pas qu'on m'impose ce que je dois penser. Bon, on retourne à New York. Elle est liée d'amitié à Mary McCarthy. Qui est Mary McCarthy ? Alors, Mary McCarthy, ce qui est extraordinaire, c'est que, comme dit une chanson, ces deux-là s'en venaient vraiment par des chemins totalement contraires. Il faut imaginer une seconde. Mary McCarthy, elles sont exactement contemporaines. Mary McCarthy est née à Seattle, donc l'autre bout des États-Unis. Seattle, dans les années 30 ou 20, même quand elle est née, c'est la province. C'est un peu in the middle of nowhere par rapport au centre de la vie politique et intellectuelle américaine. Mary McCarthy, elle est d'origine irlandaise. Elle est catholique. Et quand elle arrive à New York, elle raconte elle-même, parce qu'elle a beaucoup raconté sa vie, et de manière avec beaucoup d'auto-ironie. Elle raconte « Quand je suis arrivé à New York, j'étais royaliste. » Voilà. Donc elle arrive à New York en 1933, petite fille irlandaise, catholique, venue de Seattle, et elle se dit, là je raconte ce qu'elle raconte elle-même, comment je vais me faire une place dans ce monde-là. Voilà. Et un peu par hasard, elle entre dans ce monde qui est très difficile à déchiffrer avec nos habitudes historiques et les connaissances de l'histoire européenne, qui est ce minuscule petit monde de la gauche américaine des années 30, au début tenté par le communisme, ensuite plutôt tenté par le trotskisme, qui est une gauche à la fois ultra politique, mais en même temps surtout culturelle, qui s'intéresse surtout à la littérature. Alors elle entre par la petite porte dans ce tout petit monde qui est un monde exclusivement masculin, dans lequel elle se fait beaucoup de relations, et elle dit elle-même d'ailleurs beaucoup de relations qui ont été des relations très intimes et pour certaines très brèves. Elle s'est mariée, je crois, ne serait-ce que 3 fois en quelques années, puis il y a eu d'autres histoires. Là encore, c'est elle qui le raconte. Et donc, elle entre dans ce monde de manière totalement improbable, et elle devient un peu l'égérie, la mascotte avec le temps d'un petit monde d'hommes qui sont pour la plupart juifs, qui sont la plupart issus. Alors là, il faudrait faire une micro-sociologie du monde juif new-yorkais des 20-30 premières années du 20e siècle. Elle a résumé l'itinéraire de ces gens qui lui sont très étrangers en disant The boys from over the bridges. Les garçons qui venaient d'au-delà des ponts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, ces gens étaient des garçons. Ils étaient nés à Brooklyn, dans les quartiers même les plus défavorisés de Brooklyn. Ils avaient fait leur éducation, ils avaient été élevés dans des milieux très pauvres, où on parlait le yiddish et l'allemand, ou le russe, mais pas l'anglais. Et l'un d'entre eux, un des plus malins, qui d'ailleurs dans la controverse Eichmann a probablement écrit un des meilleurs textes, dit « L'un des plus longs voyages au monde est celui qui conduit de Brooklyn à Manhattan ». Brooklyn à Manhattan, il y a 4 ou 5 ponts, il faut une demi-heure, mais il y avait deux mondes, et c'est ce monde-là dans lequel Anna est entrée, par la médiation de Mary McCarthy, qui y est entrée elle-même par effraction, parce que la jeune fille catholique qui venait de Seattle pour se retrouver au milieu de Jewish Boys, qui avait appris à parler l'anglais mieux que n'importe quel étudiant de Harvard ou même d'un collège anglais qui venait de tout ça, c'était des mondes complètement impénétrables. Et c'est là que se met en place, et je pense que c'est à partir du début des années 50, et entre les années 50 et l'affaire Eichmann, que se mettent en place deux petits mondes qui vont cohabiter, et la cohabitation, elle se fait dans l'appartement d'Anna Arendt, d'un côté ce que Anna appelle sa tribu, et de l'autre côté ce que ces gens eux-mêmes appellent la famille. D'un côté les garçons, de l'autre la philosophie. Exactement. Mais Anna, comment peux-tu le défendre ? Mais je ne suis pas en train de le défendre, tu te trompes. Seulement tu ne peux pas oublier que ton mari fait partie de mes amis grâce à toi. Et je suis extrêmement fidèle en amitié, tu le sais. Quoi qu'il arrive, même si Jim devait disparaître dans une catastrophe aérienne, jamais, tu m'entends? Jamais, je ne retournerai avec Bowden. Ça, c'est clair. Et pour Bowden, il est absolument évident qu'il ne peut pas t'empêcher d'aimer un autre homme que lui. Il n'est pas stupide. Alors pourquoi est-ce qu'il s'oppose à notre divorce? Parce que dans ce genre de circonstances plutôt tendues, il est naturel que certains ne résistent pas à la tentation d'exercer un minimum de pouvoir sur l'autre. Angela aimerait te parler. Non, pas maintenant. Je le rappellerai tout à l'heure. Chère Anna, j'ai passé ces 15 derniers jours absorbés par la lecture de ton livre, dans ma baignoire, en voiture, en faisant la queue à l'épicerie. C'est à mon sens un extraordinaire travail qui fait avancer d'au moins 10 ans la pensée humaine. Fascinant et accaparant comme un roman, à peu près chaque page apporte quelque chose de nouveau que l'on ne peut pas prévoir à la lecture de ce qui précède, mais dont on découvre que des idées sous-jacentes le contiennent et le rendent en fait inévitable. Je ferai une critique. Dans ta fougue à expliquer le fonctionnement du totalitarisme, tu me parais négliger la part du fortuit dans le développement de ce phénomène, c'est-à-dire que certains traits se sont retrouvés incorporés à ces mouvements sans l'intervention d'une intelligence quelconque, simplement parce que ça marchait. En d'autres termes, tu suggères parfois qu'il existe des lois du comportement politique comparables à celles qui gouvernent les domaines esthétiques, auxquelles Staline et les nazis ont un accès particulier, que l'un et les autres ont compris et interprété le sens de leur époque comme l'aurait fait un grand maître, c'est-à-dire que quelque chose existait avant eux, dont ils sont les ombres ou les formes platoniciennes. C'est peut-être tout à fait vrai. Pourtant, cette vérité n'est pas démontrée ici, dans le texte, car à d'autres moments, tu sembles adopter un point de vue différent, à savoir que l'homme n'est pas l'interprète ou l'artiste d'un univers rationnel, mais un créateur sans modèle pour l'inspirer. Je dois dire, en ma qualité de consoeur, que ton énergie, entre autres choses, m'émerveille. Quelle somme fantastique de travail ça a dû être. Thank you. Pierre Bourette, le ton est donné. D'un côté, on parle de famille, de garçon, d'ex-mari, et de l'autre, lorsqu'il s'agit de commenter le travail philosophique d'Hannah Arendt, McCarthy est présente. McCarthy est présente. On pourrait accentuer la critique que fait Mary McCarthy très gentiment dans cette lettre est extrêmement profonde. Et elle a touché Arendt et elle l'a touché de manière très positive parce qu'elle dit un peu plus bas, les remarques en guise de conclusion surgissent un peu bizarrement à la fin du texte. C'est vrai qu'il y avait 15 pages à la fin qu'elle avait intitulées, qu'Hannah Arendt avait appelées remarques en guise de conclusion, donc en n'en étant pas très sûr. Elle les a complètement refaites. Ça lui a pris presque 10 ans et c'est devenu le texte que je citais tout à l'heure, idéologie et terreur, qui est la partie la plus forte des origines du totalitarisme. En tout cas, tout ça pour dire que oui, dans leur correspondance, il y a des histoires de filles qui se racontent des histoires de filles et qui disent du mal des garçons, et les garçons qui se privent pas pour faire la même chose, mais il y a aussi une dimension très profonde, où il y a une admiration extrêmement profonde entre les deux. Elles se lisent mutuellement et elles ne s'envoient pas que des compliments convenus. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dans cette relation. C'était une relation qui a beaucoup intrigué leur entourage. Il y a beaucoup de leurs amis communs se sont exprimés là-dessus. Par exemple, l'un d'entre eux dit « elles étaient comme des sœurs ». Mais un autre, et c'est une personne d'autre qu'Isaiah Berlin, dit « Mary était dévouée à Hannah, complètement dominée par elle ». Alfred Kazin, qui était un de leurs amis communs aussi, dit « Hannah était le premier véritable amour de Mary ». Voilà. Donc, cette relation entre les deux a beaucoup fasciné leur entourage, les garçons de leur entourage. Mais une fois encore, c'est elle qui parlait des garçons et des filles. Mais pas que quand même. Ne réduisons pas cette correspondance à cette fascination. Mais justement, je veux pas la réduire ni à la fascination, ni au cancan qu'elles peuvent échanger sur les uns et les autres, avec parfois beaucoup d'humour et aussi parfois de méchanceté. C'est une correspondance très profonde et à travers laquelle on peut capturer beaucoup de ce point central de la personnalité d'Arendt, qui est justement le sens de l'amitié. Et une correspondance que vous avez préfacée aux éditions Stock, que je vous recommande de lire, chers auditeurs. Merci beaucoup Pierre Bourette d'être venu nous en parler. Ce matin, on se quitte avec une chanteuse allemande, Ute Lemper. Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin was halt zu kaufen, was halt zu kaufen laufen, durch die Straßen latschen, sich aufzuquatschen, spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin, meine beste Freundin, meine schöne Freundin, meine treue Freundin, meine süße Freundin, geht die beste Freundin mit der besten Freundin, spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin. Ja, was sagt denn da die beste Freundin? Sag mir doch mal, was dir da so gerade einfällt. Also ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte, wir vertragen uns beide so ja, gut. Wir vertragen uns so furchtbar gut. Wie wir uns beide gut zusammen vertragen. Es ist kaum noch auszuhalten, wie gut wir uns beide vertragen. Nur mit einem vertrage ich mich noch so gut. Mit meinem süßen kleinen Mann. Ja, mit deinem süßen kleinen Mann. Ja, mein Mann ist ein Mann, so ein Mann, wie mein Mann, wie der Mann von der Frau, wie der Mann von der Frau. Früher gab's noch Hausfreund, doch das schwamm dahin. Heute statt des Hausfreunds gibt's die Hausfreundin. Ja, was sagt denn da die beste Freundin? Sag mir doch mal, was dir da so gerade einfällt. Also ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte, wir vertragen uns beide so gut. Wir vertragen uns so furchtbar gut. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous parlions d'Hannah Arendt et vous nous parlez d'une autre grande philosophe. Simone de Beauvoir, figure omniprésente, sans cesse convoquée avec les mouvements féministes, lue et relue, mais aussi critiquée. Il n'y avait pas eu pourtant jusque-là de « que sais-je » consacré à elle. Alors d'elle, on peut avoir une idée assez vague, réductrice, parfois le féminisme, le Paris de Saint-Germain, Jean-Paul Sartre, le deuxième sexe, le Paris de l'après-guerre et l'existentialisme. Mais au fond, que sait-on vraiment de Simone de Beauvoir? Qui l'a vraiment lu, de sa morale, de l'ambiguïté jusqu'à la force de l'âge, alors que l'on pose beaucoup, et peut-être même trop, la question de savoir en quoi lire tel ou tel philosophe peut nous aider aujourd'hui ou au quotidien, l'occasion est ici donnée de revenir à Beauvoir pour elle-même. Alors qui êtes-vous, Simone de Beauvoir ? Je suis née à 4h du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Enfant, je restais assise l'après-midi sur le balcon de la salle à manger, à la hauteur des feuillages qui ombrageaient le boulevard Raspail, et je suivais des yeux les passants. Je connaissais trop peu les mœurs des adultes pour essayer de deviner vers quel rendez-vous ils se hâtaient, mais leur visage, leur silhouette, le bruit de leur voix me captivaient. Comment revenir à Simone de Beauvoir pour elle-même sans la ramener à un autre qu'elle-même ? Est-ce possible ? Est-ce même en accord avec sa pensée ? L'autre, autrui, semble pourtant au cœur du projet philosophique de Simone de Beauvoir. Dès les premières lignes de ses mémoires d'une jeune fille rangée que l'on vient d'entendre, on entend cette attention portée à l'autre qui va préfigurer la suite de toutes ses réflexions. Le deuxième sexe sera ainsi ce plaidoyer pour ne plus penser la femme comme l'autre de l'homme, ou alors pour revaloriser cet autre. La fiction sera le lieu d'exploration et de construction de figures singulières et autres, et l'engagement politique en Amérique, en Algérie ou MLF sera le passage à l'acte vers cet autre. Faut-il alors lire Simone de Beauvoir, non pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle dit des autres et de l'autre ? Ou mieux, faudrait-il la lire comme ce soi qui se met toujours à la place des autres, soi-même comme un autre, pour reprendre la fameuse expression de Paul Ricoeur ? Comme ce que sais-je se propose d'aller au-delà et en deçà du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, je propose d'aller voir aussi l'autre Simone de Beauvoir, celle qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas. Mais alors qu'est-ce qu'on apprend sur cette autre Simone de Beauvoir ? Eh bien par exemple, Adèle, savez-vous qu'elle a rompu avec la foi à l'âge de 14 ans ? Non. Savez-vous qu'elle a écrit un roman sur un homme immortel qui s'intitulait justement « Tous les hommes sont mortels » et qui est paru en 1946 ? Savez-vous peut-être aussi ou pas que les premiers extraits du deuxième sexe ont été publiés dans Paris Match alors que le Vatican le classait dans sa liste des livres interdits ? Et puis que c'est sa rencontre aussi avec Solzhenitsyn qui lui a fait ouvrir les yeux sur le régime stalinien. Eh bien moi, pour ma part, je ne le savais pas, je l'ai donc découvert. Et puis j'ai aussi appris deux autres choses concernant sa philosophie notamment. D'une part, qu'il est peut-être plus intéressant de la faire dialoguer avec Merleau-Ponty qu'avec Sartre, en ce qui concerne notamment sa réflexion sur le corps. Beauvoir prenant l'idée d'être un corps plutôt que celle d'avoir un corps. Et puis, j'ai appris autre chose, que toute sa morale s'enracine dès l'un de ses premiers textes peu connus, Pyrrhus et Cinéas, qui est paru en 1944, dans tout un rapport avec la violence, avec un double enjeu, d'abord désamorcer les rapports de force et d'aliénation que l'on subit et se demander toujours la violence que l'on met en œuvre pour atteindre ses fins. Et c'est bien là que l'on retrouve d'une certaine manière le rapport à l'autre. Cette autre Simone de Beauvoir, cette Simone de Beauvoir peut-être moins connue, nous révèle combien être soi se fait toujours dans un rapport à l'autre, un autre que soi ou un autre que l'on a en soi. Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Et vous avez voulu d'ailleurs beaucoup d'autres choses et d'autres écrivains veulent autre chose. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc parler, je me rappelle que je disais ça dans les mémoires des Lettres Rangées, parler aux gens pour ainsi dire de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec eux, mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais. Et là, je pense que j'ai réussi, parce que le deuxième sexe, entre autres, m'a valu énormément de lettres de femmes qui s'y référaient, qui disaient que ça les avait aidées. J'ai même vu des psychiatres qui m'ont dit s'en servir pour faire prendre conscience à certains de leurs malades, certaines surtout, parce que ça était surtout utile aux femmes. Bon, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été assez réussi. Et dans mes autres romans, et dans ma biographie aussi, il y a eu certainement beaucoup de femmes qui sont plus ou moins identifiées à moi, ou qui ont cherché en tout cas à penser une certaine ligne de vie à partir de celle qui avait été la mienne. Quand Simone de Beauvoir parle d'elle-même dans ses récits autobiographiques ou dans ses entretiens comme celui-ci, on sent cette démarche d'une quête de soi libérée d'une aliénation, cette volonté de démêler chez elle ce qui relève d'un choix et d'un déterminisme, mais on sent aussi comment cette quête de soi a résonné chez d'autres qu'elle-même ou comment une autre nous fait parfois devenir nous-mêmes. Merci Géraldine, votre conseil de lecture, c'est donc Ce que sais-je. Ce que sais-je, Simone de Beauvoir par Éric Touillat de Marraine. Ce que sais-je, ce que je sais. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Emmanuel Morse d'Incan à la prise de son. Vous avez entendu Thibaut de Montalembert et Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, ce sera le philosophe Marc Alizard qui me rejoindra à ce micro. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que cette série sur l'amitié entre les philosophes, rien n'est plus simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et avec qui vous voulez, par exemple, avec vos amis, comme le faisait Anna Arendt, elle avait pu écouter les podcasts, sans doute. Rendez-vous demain, donc, à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.